Ça y est, c'est le dernier morceau de l'album Express Libre. Enregistré dans des petites conditions à la maison. Mais c'est pas grave, le cœur y est. Ce morceau c'est Salam. Pour remercier toutes les personnes qui m'ont entouré, qui m'ont encouragé ou même découragé. Pour ma famille, pour tout le monde. Écoute poto, Salam mon frère. Ça y est, c'est le morceau de la femme, il y en aura d'autres, Inch'Allah. Il est arrivé le moment du texte de remerciement pour tous ceux qui ont aiguillé mon chemin en apportant leur soutien. Pour toutes les critiques qui sont ou qui vont tomber, merci car elles permettent d'avancer. Un spécial salam pour mes deux filles et ma femme qui m'inspirent au quotidien. Je vais bien quand vous allez bien. Salam à mes frères et sœurs, à ma mère et mon père. Que Dieu vous comble de bonheur pour votre amour et vos valeurs. Salam à ceux présents sur mon album, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Ceux qui ont répondu présent, on s'appelle. Appel du mouvement aux équipes de fans, à Fiofeu ou Sepan, Blood Z, mon armée vocale, à la OEK et Fire One, à ceux qu'on ne peut pas tester dans les salles de l'Ouest, le Music Quality et son rap de quality. Un big salam à ceux qui rappent ça à l'échelle nationale et même internationale. Salam à ce mouvement et ses gros rassemblements. Je finirai par remercier Dieu le tout miséricordieux de me donner la force d'avancer chaque jour qu'il fait. Oh Allah, pardonne mes péchés. Pardonne nos péchés.